Première saison où les chroniques réclament le visage de l'homme hors des livres. Visiter le monde, voilà la nouvelle vigueur. La nécessité de se laisser couler dans l'immédiat, tel un fleuve infini, a enfin pris le dessous des cartes volontairement truquées par les littérateurs et rendu au vivant la noblesse de son appellation. À force d'être fait tatouer le crâne par des mots, l'homme prend la grande route et non plus ces lignes qui avaient l'audace d'être les sentiers de la connaissance. Vive le monde, vive le café, le désert, la flaque, adieu le tourisme, à quelques francs, feuilletons les arbres, fermons les oiseaux de papier, reprenons l'histoire à chaque pas comme un départ éternel, foutons le camp. Et si nous partons ? Coulter venait de jeter son journal sur la table. John, vous avez failli renverser ma tasse de thé. Ville whisky, cela ne tâche moins. « Oui, mais on s'y attache, » répondit Quincampoix, bien heureux de son bon mot. « Justement, partons. Quittons nos attaches ouatées et foutons le camp. John. » C'est ainsi que finit l'article que je viens de lire. Ces jeunes journalistes n'ont plus une plume, mais une parure de guerre qu'un Indien ne renierait pas. Voyons voir, diantre. Il n'y a pas de main morte. Justement, restons des mains vivantes. Nous n'avions pas parlé récemment d'un quelconque curé déboussolé et qui attendait notre visite pour le remettre en état. De l'Eurogarne. Calventus de l'Eurogarne. Visiter le monde, voilà la nouvelle vigueur. Visiter le monde, voilà la nouvelle vigueur. Visiter le monde, voilà la nouvelle vigueur. Visiter le monde, voilà la nouvelle vigueur. à la nouvelle vigueur. Visitez le monde, voilà la nouvelle vigueur. Visitez le monde, voilà la nouvelle vigueur. Visitez le monde, voilà la nouvelle vigueur.